vie mwen pa facile. Lè ou pa la lò pati bien loin. Mwen posède, mwen posède. Chagrin fè m pa dormi. Chak fò pati lè ou pa retourne. Vini chèche l'amour, vin fè mwen douce. Vini couché sous épaul mwen. Couché sous épaul mwen. Vin caresser doudou, vin passer jour. Angelica, Angelica, vini Angelica, Angelica, Angelica, vini vini ouais ouais, Angelica, Angelica, vini Angelica, Angelica, Angelica, vini vini ouais ouais. Chèche l'amour, vin fè mwen douce. Vini couché sous épaule mwen.